phare isolé. Pas un bateau, pas une chaloupe n'aurait pu accoster. J'ai cru que la force des vents allait tout emporter. L'année, mon imagination m'envoyait délirer. J'ai vu les grandes voiles blanches tachetées de sang des princes de l'océan. Entendu le chant des sirènes, vu des nuées de dauphins blancs. Dans les vagues d'écume blanche, la tempête et les vents, j'ai entendu mon nom. Aperçu les naufragés d'une mesquine vieille de 100 ans. Et sans nuit, tout seul sur mon rocher, et perdu comme sur une île qu'on aurait oublié. La nuit j'éclairais l'horizon et les flots déchaînés, comme un forban dans sa prison, dans sa tour de papier. J'ai vu les grandes voiles blanches tachetées de sang des princes de l'océan. Entendu le chant des sirènes, vu des nuées de dauphins blancs. Dans les vagues d'écume blanche, la tempête et les vents, j'ai entendu mon nom. Aperçu les naufragés d'une vie qui vieille de 100 ans. Yeah, vu des nuées de dauphins blancs. Dans les vagues d'écume blanche, la tempête et les vents, j'ai entendu mon nom. Aperçu les naufragés d'une vie qui vieille de 100 ans.